crier, c'est une commerciale. Oh yeah. Le chat joue à la babale. La coupe est plein, la commerciale. Le chat joue à la babale. Là tu vas me plaire, tu vas me chial. Que je palusse le con éternel, que je me fasse un slip à la banane. Je prends aussi du pastivaler, car c'est bon pour ma voix. Transformation chevalier du zodiac, champion meilleur chien cardiaque. La lutte habite au barbiturique, et moi je suis un lyrique en brique. Je fais du pogo, bordel! Ouais!